إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On continue l'explication بإذن الله بعون الله du livre أعلم سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ Ibn Ahmed al-Hakami, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. On s'est arrêté au dernier cours à la question numéro 185. Et le shir à la question 184 et celle d'avant, donc, il avait de ce qui allait à l'encontre, donc, du tawhid. Ensuite, le shir, il va nous parler dans cette question 185 de ce qu'on appelle el-ayn, qui est en réalité le mauvais œil. On dit l'ayn, c'est l'œil, mais ça a été le mauvais œil. Ce qu'on traduirait par le mauvais œil, l'ayn. Il va nous dire le shir, ma hukmul ayn, ma hukmul ayn. C'est-à-dire, quel est le statut du ayn dans la religion? Bien entendu, dans la religion, dans le djinn. Comment on interprète le ayn? Quel est son statut? Ça, c'est la question du shir. Il va nous dire, rahimahullah, en nous citant directement des versets, ou arfouan, en nous citant directement des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il n'a pas cité directement un verset, alors qu'il va en citer un à la fin? C'est que, pour ce qui est des versets, ce n'est pas explicite du hukm qui va être donné au ayn. Contrairement aux hadiths qui sont plus qu'explicites, ils sont cités ces hadiths, ou ils sont exposés ces hadiths en citant le terme même al-ayn. C'est donc pour ça que l'on va comprendre indirectement pourquoi le shir a commencé directement par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non, il a commencé par les versets du Coran. Donc, comme on le dit, car dans les versets, ce n'est pas explicite, c'est les interprétations qui sont données par rapport aux versets, alors que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici sont plus qu'explicites, car ils emploient et ils reprennent le terme même al-ayn. C'est pour ça qu'il nous dit le shir, قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. العين حق. Hadith rapporté bien entendu par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim dans leur authentique. Al-ayn ou haq, c'est-à-dire que le ayn est automatiquement l'effet du ayn, il est vérité. C'est une réalité que l'on peut dénier. Parce que le prophète sallam dans ce hadith, il nous dit qu'il est haq, que c'est une vérité. Et lorsqu'on emploie ce terme haq, c'est-à-dire qu'on ne peut renier qu'il est bel et bien présent dans notre vie et qu'il a un hukm au niveau du char, au niveau de la sharia. C'est pour ça que dans d'autres hadiths, on voit que lorsqu'il utilise le terme haq, le prophète sallam, comme an-naru haq, wal-jannatu haq, de ceux donc qui attestent que le paradis est véritable, que l'enfer il est véritable, que le feu il est véritable, etc. Donc c'est bien pour nous prouver son caractère réel. Donc il dit le prophète sallam, al-aynu haqqun. Donc il est véritable. Et dans ce hadith qui est rapporté également dans une des versions du hadith de ce hadith-là qui est auprès de l'imam muslim et qui continue le hadith où la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit وَلَوْ كَانَ يَقُولُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ. C'est-à-dire s'il y avait une chose qui allait précéder la prédestination, alors serait-il le ayn qui l'aurait précédé. Et ici, l'imam al-Nawawi, il va nous donner une explication pour ce qui est de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient après donc cette parole, al-ayn haqq. Il va nous dire, rahmatullah alayhi, fihi ithbatul qadar. Il y a donc l'attestation de la prédestination, al-qadar, de ce qu'Allah azawajal il a prédestiné. Wa huwa haqq. Et c'est donc une vérité. Bin nusus wa ijma' ahli sunnah. De par donc les textes, que ce soit du Coran de la Sunna, et ijma'u ahli Sunna. et donc le consensus des gens de la sunna. وَسَبَقَتَ الْمَسَلَةُ فِي أَوَلْ كِتَبَ الْإِيمَانِ. Donc le shaykh nous dit, ou l'imam al-Nawawi nous dit qu'il a déjà expliqué cela. مَعْنَاهُ. Donc il va nous donner l'explication de cette parole du prophète sallam. أَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى. C'est-à-dire que les choses, toutes les choses, toutes sont sous la prédestination d'Allah. Sont sous ce qu'Allah Azzawajal donc a destiné, a prédestiné dans cette vie d'ici-bas. وَلَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et donc elles n'adviennent pas à ces choses-là uniquement selon ce qu'Allah Azzawajal il a prédestiné. عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَسَبَقَ بِيَا عِلْمُهُ. Et ce qui a donc été précédé de par sa science, subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَقَعُ ضَرَرَ الْعَيْنِ. Donc il n'advient pas le préjudice du عَيْن. وَلَا غَيْرَهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَّا بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى. Et même autre que cela, c'est-à-dire autre préjudice, que ce soit le عَيْن ou autre préjudice encore d'autre chose, et que cela concerne également مِنَ الْخَيْرِ, que ça concerne le bien ou que ça concerne le mal, إِلَّا بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى. Sauf de par la prédestination d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit وَفِهِ صِحَةُ أَمْرِ الْعَيْنِ وَأَنَّا قَوِيَّةُ الضَّرَرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Il nous dit également le shir donc ici وَأَنَّا قَوِيَّةُ الضَّرَرِ, qu'en réalité le عَيْن il a un préjudice qui est puissant, il a un préjudice qui est fort. Nasallahu alayhi wa sallam. Donc c'est l'explication que nous donne l'imam al-Nawawi pour ce qui est de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le shir nous donne également un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant ensuite qu'il va nous dire qu'il y a beaucoup de hadiths qui sont authentiques et qui traitent de, ou qui parlent de ce qu'on appelle l'ayn. Donc, il va en citer quelques-uns. Il nous dit le shir, وَرَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَارِيَةً فِي وَجِيَا سَفْعَةً فَقَالْ إِسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا نَظْرَةً فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةً النَّظْرَةً. نعم. Le shir également il nous apporte un autre hadith qui est également lui rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim dans leur authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait une servante et qu'elle avait sur son visage ce qu'on appelle safa, ce qu'on appelle safa. Pour ce qui est de ce terme safa, certains savants ont dit que c'est sawad fil waj, c'est en réalité comme une, on pourrait dire une plaque, on pourrait dire une tache noire qui va apparaître sur le visage. D'autres ont dit soufra, d'autres ont dit c'est une plaque jaune, etc. Et Ibn Hajar va nous dire qu'en réalité, c'est tout simplement, et ça de façon plus générale, c'est tout simplement la partie de la peau du visage qui va être d'une autre couleur que sa couleur d'origine. Donc si la personne elle est blanche, elle aura une couleur qui va être différente de sa couleur blanche. Si la personne elle est noire, elle va avoir une couleur qui va être différente de sa couleur noire. Etc. Donc c'est plus général et c'est comme ça qu'on comprend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi wajha safa. Faqal istarqu laha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a vu ça, il a dit de lui faire une ruqya, cette femme-là, de lui faire donc une ruqya. Et on a déjà vu donc ce qu'était ruqya et les conditions dans cela. Donc il lui a dit de faire une ruqya. Ici donc on va en profiter. On va tirer ce hadith que, et on verra dans d'autres hadiths également, qu'il est mashrou', qu'il est légiféré de faire une ruqya lorsqu'une personne donc est touchée d'un aïn. Ensuite, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donc dire quelle est sa maladie, de quoi elle a été atteinte cette personne. Fa'inna biha an-nazra. Elle a donc ce qu'on appelle le terme an-nazra, qui vient donc du terme nazar, qui vient du terme donc regarder, donc le regard. Mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement ce terme an-nazra? Certains savants ont dit que c'est le ayn min nazar al-jinn. C'est le ayn qui advient du regard des djinns. Et d'autres savants ils ont dit non, c'est celui qui advient du regard de l'homme. Et comme nous le rappelle Ibn Hajar également fil Fath, il nous dit que c'est aam, que c'est plus général que cela, que ça peut être aussi bien du djinn, que ça peut être également de l'ins, du djinn ou de l'ins. À la kulli hal, c'est tout simplement un nazara ici, donc l'effet qu'il y a eu à travers ce regard et qui a comporté le mauvais œil, Al-Ayn, et qui a donc touché cette personne et qui a eu donc pour effet d'avoir donc une partie de sa peau qui va être de sa peau, bien entendu, de son visage, qui va être différent de sa couleur originale. Ensuite, le shir nous rapporte également un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qalat Aisha radiyallahu anha amarani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aw amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yastarqiya min al-'ayn. Également ici un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam amarani, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de chercher à soigner le mauvais œil par l'exorcisme. An yastarqiya, bien entendu, qui vient du terme ruqya, le fait de demander donc un ruqya, de demander qu'on pratique donc un ruqya sur la personne qui va être atteinte du ayn. Donc également ici un hadith qui est plus qu'évident. Non seulement dans ce hadith on a l'argumentation que le ayn il est bel et bien présent, que c'est une réalité, mais également qu'il peut être soigné et que le soin qui va être apporté ou le remède qui va être apporté, ça va être par ruqya. Et comme on l'a vu, donc les conditions de ruqya qui sont prises donc du Coran, que ce soit des versets du Coran ou des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-afkar. Et également il nous dit, le shir nous rapporte un autre hadith, wa qala sallallahu alayhi wa sallam la ruqyata, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exorcisme sauf yani illa min aynin ou hummatin. Et on peut dire également humatin, bidun tajdid. Les deux sont permis. Ou humatin, ou humatin. Donc on comprend le hadith, qui est donc qu'il n'y a pas d'exorcisme sauf contre un mauvais œil ou une fièvre. On va comprendre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un premier temps, ici on a la ruqya qui va être légiférée. Pourquoi? Pour l'ayn. Mais également ruqya qui va être légiférée donc pour ce terme huma. Qu'est-ce que veut dire ce terme huma? Également, les savants nous ont donné une explication par rapport à cela, comme cela a été rapporté dans l'explication des authentiques, que ce soit l'imam al-Nawawi, ou également Ibn Hajar, l'Ahba. Donc ils nous disent pour ce terme huma, certains savants disent sum al-aqrab, c'est en réalité le venin de ce qu'on appelle l'aqrab, qui est donc le scorpion. C'est son venin. Lorsqu'il nous pique, il y a donc le venin qui intervient, et à ce moment-là, il est légiféré de faire quoi? De faire un ruqya. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en priant, il a été piqué par un scorpion. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la'ana, il l'a maudit. En disant qu'il ne laissait personne, même le prieur. Et qu'ensuite, donc, il a fait une ruqya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui. D'autres savants ont dit que c'est plus général. C'est kullu hammatin dhat sum min hayyatin aw aqrab. Et donc ici les savants vont nous dire que c'est en réalité tout ce qui va avoir un venin, que ce soit donc un serpent ou que ce soit un aqrab, que ce soit donc le scorpion, tout ce qui a un venin, de façon générale, il est permis donc à ce moment-là de faire ruqya. Donc c'est ce qu'on prend par le terme la ruqya ila min aynin aw huma. Ensuite, comme nous l'explique l'imam al-Nawawi, est-ce que c'est donc uniquement sur ces deux choses ou alors c'est plus général, on peut faire la ruqya sur d'autres choses également. Taïeb. Donc ici on a une parole de l'imam al-Nawawi. Il nous dit قال العلماء لا يريد به حس الرقية الجائزة فيهما ولا منعها فيما عداهما. C'est-à-dire que le prophète sallam, il n'a pas voulu de par cela, comme on dit les savants, il n'a pas voulu par cela uniquement l'autorisation de pratiquer ruqya uniquement sur ces deux choses, c'est-à-dire que ce soit al-ayn ou ce soit al-huma ou al-humma ou منعها فيما عداهما, ou alors complètement l'interdire dans ce qui est en dehors de ces deux choses. Non, en réalité, c'est pas ce qui a été voulu par le prophète sallam, comme nous expliquaient les savants. Innamal murad la ruqyata ahq wa awla min ruqyati al-ayn wal humma li shiddati ad-darar fihima. Et nous dit l'imam Nawawi, c'est qu'en réalité, le murad, ce qui a été voulu par le prophète ici, que la ruqya est plus en droit d'être pratiquée en ce qui concerne donc le ayn et en ce qui concerne al-humma. Donc elle est pratiquée à plus forte raison et avant toute chose dans ces deux cas. Et pourquoi cela? C'est-à-dire de par le puissant préjudice qui se trouve à l'intérieur de ces deux, que ce soit l'ayn ou alors que ce soit al-huma ou al-humma. Taïeb, c'est comme ça qu'on comprend. C'est-à-dire qu'il est possible de faire ruqya également par rapport à d'autres choses. Il est également possible de faire ruqya également par rapport à d'autres choses, comme on l'a vu, par rapport au siyah, par rapport à la sorcellerie, et d'autres choses encore. Tayyib, mais par contre, ici, la signification du hadith, c'est que ce qui est le plus en droit de pratiquer la ruqya, c'est par rapport à ces deux choses. Non. Et bien entendu, pour ce qui est de ruqya, il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des formules que l'on cite, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos enfants, etc. Donc ça, on le retrouve dans les livres, les petits livres comme Hisn al-Muslim et d'autres qui ont été traduits. On retrouve donc ces adhaya ou ces afkar, c'est-à-dire qu'on retrouve donc ces invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui concernent donc de protéger soi-même et de protéger nos enfants également contre le haïn. Il nous dit le shir, وكلها في الصحيح وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة ولا تأثير لها إلا بإذن الله. C'est-à-dire il nous dit qu'il y a encore d'autres hadiths qui sont dans les authentiques et qui traitent du Aïn. Donc ici, bien entendu, c'est à titre de résumé que le chien nous a cité ce qu'il nous a cité, et il nous a dit également qu'il n'y avait pas d'influence. C'est l'importance, une grande importance qu'il cite cela par rapport à notre croyance. Il n'a pas d'influence sur Aïn sauf avec l'autorisation d'Allah Azzawajal, et que ce par Allah Azzawajal comme une maladie. C'est comme une maladie qui va atteindre la personne, ce aïn, et que cela est advenu par la permission d'Allah Azzawajal. C'est lui, alladhi qaddarahu, comme on l'a vu donc dans le hadith précédent, comme on l'a vu dans l'explication de l'imam, l'imam al-Nawawi. Tayyib. Également, pour ce qui est du ilaj, pour ce qui est donc du remède de l'aïn, on a un hadith qui nous est rapporté par l'imam Ahmad ou l'imam al-Nasa'i, et qui est un hadith authentifié par Charles Albani et d'autres encore. Cette histoire-là, elle est arrivée avec Sahl ibn Hanif et Amir ibn Rabi'a. Sahl ibn Hanif, ils étaient donc auprès d'une source d'eau, d'un puits, ils se sont donc lavés. Et il est apparu donc de Sahl, radiallahu ta'ala anhu, une partie de son corps. Et il avait un corps qui avait une belle couleur, c'est-à-dire qu'il était blanc et qui avait une belle couleur. Et donc Amir, il a vu ce corps-là, Tayyib, et en réalité il l'a atteint de par son œil. Il faut savoir, et ça, on va donner une précision pour ce qui est de l'aïn. Il ne faut pas croire que l'aïn, c'est automatiquement d'une personne qui va être envieuse. Il se peut en réalité que la personne, elle fasse un aïn sans même être envieux par rapport à ce qu'elle a vu. Tayyib, il se peut cela, na'am. C'est pour cela que lorsqu'on va voir quelque chose, et on va le voir dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, que lorsqu'on voit quelque chose, yu'jibuna, on voit quelque chose qui nous plaît, que ce soit sur une personne ou autre, alors on doit faire des doigts. C'est-à-dire on doit invoquer par la bénédiction le baraka, on doit dire mashallah, etc. Toujours. Et na'am. Il se peut même que tu fasses un aïn sur tes propres enfants, etc. Na'am. C'est pour ça qu'il faut être prudent par rapport à ça. Et toujours, lorsqu'on voit une chose qui va nous plaire sur nos enfants, ou etc., ou sur les enfants des autres, ou alors sur les personnes, etc., il faut toujours faire ces invocations. Parce que la personne, elle n'est pas abri d'atteindre la personne de par son aïn, même si elle n'a pas voulu. Et si elle n'a pas été envieuse. C'est pas automatiquement qu'elles sont envieuses. Taïeb. Ensuite donc, il est arrivé que Sahel, il est tombé par terre. Donc il lui est arrivé, après cela, qu'après qu'Amir l'a vu, Tayyib, et qu'il a dit une expression, la shabbahu bil adhra, donc comme une peau belle, une peau d'une femme vierge. Ce qui lui est arrivé directement, il est tombé par terre. Donc il était atteint de quelque chose. Et donc ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce hadith, il va nous faire part donc qu'il a bel et bien été atteint par le haïn, et que ce haïn donc il a été de Amir ibn Rabi'a, qu'il a atteint de ce haïn. C'est pour ça qu'il avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on a été le voir, Alama yuqtal aw yaqtul ahadukum akhahu, ni pourquoi et de par quoi un d'entre vous il va tuer son frère. Et ici donc de par le haïn. Et on sait que dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également authentique, que la plupart des morts qui arrivent dans cette communauté, c'est de par l'aïn, c'est de par donc l'œil, c'est de par l'aïn, na'am. À la kulli hal, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous donner donc un remède, ou plutôt une protection dans un premier temps, avant même que ça arrive, il va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكْ بَرَّكْتَ. C'est-à-dire que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire ici, lorsque tu vois quelque chose qui va te plaire, barrakta, c'est-à-dire que tu vas invoquer, tu vas faire des doigts de bénédiction, yani bil baraka, tad'u bil baraka, mashallah, tabaraka wa ta'ala, etc. Donc des doigts de par ces doigts-là, inshallah ou ta'ala, ça va empêcher donc que l'on atteigne la personne de par le al-ayn. Donc on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne ici une protection. Et donc le musulman, lorsqu'il voit une chose qui va lui plaire, il dit donc la dua, taïb, pour protéger donc de ce qu'il voit de son aïn. Ensuite, dans le même hadith, donc c'est un hadith qui est long, j'en fais un résumé, je dis ce qui est le plus important. Et ensuite, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi nous donne également le remède après, une fois que la personne elle a été touchée. Et c'est ce qu'a fait donc Sahl, qui est donc appliqué ce remède. C'est que tout simplement, celui qui a fait Al-A'in, ce qu'on appelle Al-A'in, celui qui a été à l'origine du A'in, il va faire le dos, taïb. Et la personne ensuite, elle va prendre l'eau de cet eau d'eau de cette personne-là, elle va se laver avec. Elle va faire donc comme une grande ablution, elle va se laver avec. Taïb. C'est le remède donc que l'on fait une fois que la personne elle a été atteinte d'un A'in. Et c'est pour ça que dans un autre hadith également rapporté par Abu Dawud, min riwayat al-Aswad, c'est un hadith de Aïcha qui est authentifié par Charles Albani également, qalat Aïcha radiallahu ta'ala anha, كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, comme elle nous dit Aïcha, elle nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il ordonnait العائن, donc celui qui a fait العائن, de faire le dos. Et ensuite celui qui était atteint par العائن يغتسل منه, c'est-à-dire donc qu'il se lavait de cette eau qui restait donc de l'eau d'eau de la personne qui a fait العائن, il se lavait donc son corps. طيب. Donc ça c'est le remède qui advient après que la personne a été atteinte du Aïn. Une question va se poser ici, comment on va savoir que la personne elle a atteint d'un Aïn? Bien entendu ici, peut-être il va avoir des alamat, c'est-à-dire peut-être qu'il va avoir des signes que lorsque la personne elle a eu ce qui lui est arrivé, comme par exemple le cas de Sahel, il est tombé directement en Sahel par terre, il y a un inanimé. Et donc ils ont su, lorsqu'on le prophète sallam il a demandé, ils ont su que c'est Amir, il a parlé, il l'a vu, le premier. Donc automatiquement, de par ce qui s'est passé, ils ont pu en déduire que c'était Amir qui l'avait ayyanahu, qui lui avait fait l'aïn. Taïb. Donc de même, pour ce qui est des personnes, c'est-à-dire dans des cas où la personne elle est atteinte du aïn, elle va savoir à quel moment elle a été peut-être atteinte, elle va savoir avec qui elle était, donc elle va bien entendu en déduire. Taïb, ça ne veut pas dire à 100% que la personne, ce soit elle qui a fait l'aïn. Mais l'autre question qui va se poser ici, c'est lorsque la personne elle va venir vers toi et va te dire c'est toi qui m'as fait l'aïn, je crois que tu m'as fait l'aïn, la personne elle n'a pas le droit de refuser, elle n'a pas à se mettre en colère, parce que ça peut arriver, comme j'ai dit, de n'importe qui. Le aïn il peut arriver de n'importe qui, ou même faire le aïn sur nos propres biens, nos enfants ou etc. Taïb. Donc ça peut arriver de n'importe qui. Donc dans un premier temps, la personne n'a pas à se mettre en colère, ou alors de dire de la personne qu'elle a un sourd vam par rapport à nous, etc. Non, et il lui est obligé donc de faire cela, c'est une obligation pour lui de répondre. Ensuite, le shir va nous dire, rahimahullah, il va nous citer également un verset du Coran. Il nous dit, rahmatullah alayhi, waqad fassara biha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, aw fussira biha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, wa in yakadu alladhina kafaru, la yuzliqunaka bi absarihim, lamma sami'u al-dhikr. Peu s'en faut que ceux qui ne croient pas ne te transpercent par leur regard quand ils entendent le rappel, donc le Coran. Donc, il nous dit le shir, قد فسر بها قوله صلى الله عز وجل عن كثير من السلف, c'est-à-dire que cette parole d'Allah عز وجل, qui est surat al-Qalam, qui est le verset 51, beaucoup de salaf ont dit que c'est en réalité l'aïn ici. Peu s'en faut que ceux qui ne croient pas ne te transpercent par leur regard. لا يزلقونك بأبصارهم, c'est-à-dire donc qu'ils te transpercent de par donc le aïn qu'ils ont. Lorsqu'ils voient donc, لما سمعوا الذكر, lorsqu'ils entendent ce Coran, et l'éloquence du Coran, et que ce Coran est magnifique, et qu'ils savent que c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, ils sont envieux de savoir que c'est sur le prophète sallam que cela est descendu. Et donc, ils en sont à un point, comme le dit ici Allah Azza wa Jalla, وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent que ceux qui ne croient pas le transpercent par le regard quand ils entendent le rappel. Bien entendu, c'est le rappel à dhikr qui est le Coran. Et également ce qui est rapporté lorsque, dans l'histoire qui nous est rapporté dans le Coran de Youssouf, lorsqu'il a fait rentrer ses frères par plusieurs portes, mutafarriqa, c'est-à-dire plusieurs portes. Il ne les a pas fait rentrer dans une seule porte, mais il les a fait rentrer par plusieurs portes pour qu'ils ne soient pas donc atteints par le Aïn. Et donc le Aïn, comme j'ai dit, il y a d'autres hadiths également du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on s'en tient à ce que nous a ensuite dit le shir, rahmatullah alayh, et qu'on sait que le Aïn il est une vérité et qu'il y a un remède pour ce qui est donc du Aïn. Taïb. Ensuite, à la question 186. Le chir maintenant, donc il nous avait parlé dans les questions qui ont passé. Il nous avait parlé du tawhid. Il nous a parlé ensuite de ce qui est en l'encontre du tawhid, de ce qui était du shirk, que ce soit du shirk al-akbar, du shirk al-asrar, etc. Maintenant, le shirk, il va nous parler de ce qui est al-ma'asi. Et en réalité, al-ma'asi, al-dhunub, ils vont également à l'encontre du tawhid. Les péchés, ils vont également à l'encontre du tawhid. Mais bien entendu, kamal al-tawhid, kamal al-tawhid, c'est-à-dire ils vont à l'encontre de la perfection du tawhid. Car la personne, lorsqu'elle tombe dans les péchés, que ce soit les grands ou autres, son tawhid, donc, il va automatiquement s'affaiblir. C'est pour ça ici que beaucoup de savants, lorsqu'ils nous parlent de ce qui va à l'encontre du tawhid, ils citent toujours en dernier al-ma'asi, bien entendu, qui ont une influence, la moindre influence, c'est-à-dire une influence moindre que ce qui rentre dans le domaine du shirk et dans le domaine du kufr. Mais il le cite quand même. Et c'est ici pourquoi le shirk, il va ensuite citer, dans cet ordre-là, il va citer ce qui est en rapport avec al-ma'asi. Il nous dit, le shirk, la question 186, il a kam qisim, tan qasim al-ma'asi. C'est-à-dire, il nous dit tout simplement, le shirk, en combien de catégories se divisent les péchés. Il a kam qismin, tan qasim al-ma'asi. Il nous dit, il nous dit donc, il se divise en deux catégories. Les péchés qui sont dits donc mineurs, et qui sont donc considérés comme as-sayyat. Donc c'est des noms qu'il va nous donner, repris du Coran, repris de la Sunna, dans la plupart des cas. Pas toujours, mais c'est dans la plupart des cas, qui sont nommés as-sayyat, qui sont donc nommés as-sayyat, pour ce qui est des petits péchés. Et les grands péchés, qui est donc la deuxième catégorie, al-kaba'ir, c'est en réalité ceux qui sont nommés al-mubiqat, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ishtanibu al-sab' al-mubiqat, c'est-à-dire donc éloignez-vous des sept al-mubiqat. Pourquoi ça a été nommé al-mubiqat? Ça vient du terme en réalité wabaqa. Wabaqa al-rajul, donc le verbe wabaqa al-rajul idha halak. C'est en réalité al-muhlikat. C'est celle donc qui mène la personne à la perdition. Celle qui mène donc la personne à la perdition. C'est ça en réalité al-mubiqat. Et c'est un terme donc qui est employé pour citer ici al-kaba'ir, que l'on retrouve donc dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une question ici que je vous pose. As-sayyat, ça vient toujours dans le sens du péché mineur, as-sayyat, le terme sayyat, ça peut venir avec un autre sens, pour ceux qui ont suivi le cours de la dernière fois. Qui c'est qui répond? Lorsqu'Allah Azza wa Jalla yaqul wa in tusibhum sayyatun yatatayyaru bi Musa wa man ma'a. Que ça veut dire le terme ici sayyatun? Est-ce que ça veut dire péché? Wa in tusibhum sayyatun yatatayyaru bi Musa wa man ma'a. Le terme ici employé par Allah Azza wa Jalla, c'est sayya, sayyatun. Donc c'est le singulier de sayyat, hada yani jam'a muannath salim. Tayyib, sayyatun, sayyat. C'est tout simplement comme ont expliqué les savants. La sécheresse, l'épreuve, ça n'a rien à voir avec les péchés ici. C'est la sécheresse, lorsqu'ils sont éprouvés par une sécheresse, lorsqu'ils sont éprouvés par exemple par une épreuve, etc. Hein, automatiquement, ils disent que c'est par le mauvais présage de Moussa et ceux qui sont avec eux. Donc Allah Azza wa Jalla, il a employé le terme ici, sayyatun, in tusibuhum sayyatun yatatayyaru bi Moussa wa man ma'a. Donc le terme ici, sayya, il ne veut pas dire les péchés. Il ne veut pas dire les petits péchés. Mais il y a une autre signification. C'est pour ça que je dis, dans la plupart des cas, on dit as-sayyat, que ça veut dire as-sara'ir. C'est pour ça que je dis généralement. Ensuite, le shir, après nous avoir donc dit qu'il y a deux catégories de ce qu'on appelle ma'as et les péchés, il va nous dire à la question 187, fabimada tu kaffar as-sayyat, fabimada tu kaffar as-sayyat. C'est-à-dire, comment on va expier les mauvais péchés? Comment on va expier donc les péchés, as-sayyat, de façon générale. Et as-sayyat ici, bien entendu, c'est les petits péchés. Donc on reprend l'explication ou le mustalah qui en réalité celui du Coran et de la Sunna de façon générale et que va reprendre ici le shir. Donc il y a le terme sayyat. C'est donc les petits péchés. C'est donc ici les petits péchés. Comment vont être donc expliqués les petits péchés, sayyat? Il va nous répondre par un verset du Coran, le shir. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Si vous évitez les péchés majeurs qui vous sont interdits, nous effacerons vos péchés. Et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, qui en était le paradis. Le paradis. Donc ce verset, il va être plus que clair que pour ce qui est des petits péchés, ils vont être effacés, à une condition que la personne s'écarte des grands péchés. Al-ijtinab, intajtanibu. La personne, si elle s'écarte des grands péchés, les petits péchés, ils vont être effacés. Et ce verset est plus que clair. C'est la réponse directe du shir. Il nous rapporte également un autre verset. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات. C'est-à-dire donc que les bonnes actions dissipent les mauvaises actions. Donc le fait de faire aussi des bonnes actions, et inshallah tout musulman fait des bonnes actions, ça permet de faire partir donc et d'effacer les petits péchés. Bien entendu, ici les petits péchés. Pourquoi? Parce que le terme c'est السيئات, et comme nous l'a dit le shir, dans la plupart des cas, c'est ce qui concerne donc les petits péchés. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. Donc il nous dit le shir qu'Allah Azza wa Jalla nous a informé que les péchés, les petits péchés, sont expiés en évitant les péchés majeurs et en faisant donc les bonnes actions. Et c'est pour ça que dans ce hadith également qui nous cite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est hassan, qui est rapporté par l'imam Ahmed au Tirmidhi et d'autres encore, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. C'est donc fait suivre la mauvaise action par la bonne qu'il effacera, qui fera effacer donc cette mauvaise action, cette bonne action qui va effacer cette mauvaise action. Et ce hadith qu'on a expliqué, qu'on a détaillé et qu'on a expliqué lorsqu'on a expliqué, on a fait l'explication de Al-Wasiyat al-Sughra, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et on reviendra sur une question par rapport à cela, pour savoir ceux qui ont une bonne mémoire. Il nous dit le Cheikh, وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيام ليلة القدر وصيام عاشورة وغيرها من الطاعات وغيرها من الطاعات إنها كفارة للسيئات والخطايا وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر وعليه يحمل المطلق وعليه يحمل المطلق منها فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنة وبدونها. Donc le shir va nous dire ici tout simplement qu'il est également mentionné dans d'autres hadiths qui sont donc également authentiques que l'accomplissement parfait, que ce soit des ablutions, donc qui se barre le wudu malgré les difficultés, le makari tayyib, et également se rendre aux mosquées à pied, les cinq prières, du vendredi au vendredi, le vendredi suivant, du ramadan au ramadan suivant, veiller les nuits et la nuit du destin en priant, le jeûne de Ashura, qui en était le deuxième jour du mois de Muharram, et autres actes également d'obéissance, ils sont tous des expiations donc pour les péchés, pour les péchés et les fautes. Mais on dit bien, lorsqu'on dit les péchés, ici le shir nous dit les sayyat wal khataya, on comprend par là donc les petits péchés, ce qui rentre donc dans les petits péchés. Il va nous dire également, et ça c'est important, que la plupart de ces hadiths, ils vont comporter une restriction. C'est quoi ce taqyid, comme il nous dit? Ce taqyid, c'est l'ijtinab al-kaba'ir. Donc, la restriction ici, c'est que la personne doit s'écarter des grands péchés, d'éviter les péchés majeurs. Et c'est ainsi que doivent être interprétés donc les hadiths qui sont dits, eux, absolus. Les hadiths qui sont dits absolus, c'est-à-dire où il est cité que les péchés vont être effacés par ces actes-là. Ils vont être effacés par ces actes-là si la personne, et à condition que la personne s'écarte des grands péchés. Et que cela donc est un shart. Le fait d'éviter les péchés majeurs est une condition à l'expiation donc des péchés mineurs par les bonnes actions ou sans. Que ce soit fait donc par les bonnes actions ou sans les bonnes actions. Donc c'est comme ça que le shir il va nous répondre et qu'il va donc rassembler tous les hadiths, ceux qui sont dits mutlaq, qui nous rapportent que Allah Azzawajal pardonne les péchés de façon générale par les actes qui ont été cités et d'autres, et avec les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le verset qu'on a vu qui nous cite donc cette condition qui est ijtinab al-kaba'ir, qui est donc s'écarter, de s'écarter des grands péchés, de s'écarter donc des grands péchés. La question que je vais poser, c'est dans cette dunya là, on a vu que le shir il nous a parlé de ce qui faisait partir les petits péchés, et on va voir également que pour ce qui est des grands péchés il faut automatiquement une tawbah. Pour ce qui est des grands péchés, les péchés majeurs, il faut une tawbah. Il va revenir donc le shir sur la tawbah dans les questions qui vont suivre. C'est ce qu'on verra le prochain cours inshallah. La question maintenant qui se pose, c'est la suivante. Dans cette dunya, également, qu'est-ce qui va faire expier les petits péchés? En dehors de tout ce qu'il a cité le shir comme ta'at, c'est-à-dire ça ne rentre pas ici dans les ta'at, ça ne rentre pas dans les adorations que l'on fait, comme la prière, comme le fait de prier la nuit, comme le ramadan, comme le, etc. Tout ce qu'il a cité le shir à titre d'exemple. Et ça, on l'a expliqué, on l'a détaillé dans les cours qu'on avait fait lorsqu'on avait expliqué al-wasiyat al-surah, la recommandation mineure de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lorsqu'on avait étudié cette risala en 12 cours, pratiquement 12 ou 13 cours, si je me souviens. Et le Cheikh, il avait longuement parlé sur ce sujet-là. Naam, ce qui va entrer dans les preuves et autres. On a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam muslim. Il dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ma yusibu al-mu'min min wasabin, wala nasab. ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. Il va nous dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma yusibu al-mu'min, ce qu'atteint le croyant. Min wasab. Al-wasab c'est al-wajj, al-wajj' al-lazim, al-wajj' al-lazim. Al-wasab c'est al-wajj' al-lazim. C'est tout simplement une maladie qui va être inhérente à la personne, qui va donc être continuelle. Hein, une maladie qu'il a de manière continuelle. Cela, la personne ou le croyant, il va être atteint. Il peut être atteint de cela. Voilà nasab. Voilà nasab. Un nasab, c'est at-ta'ab. At-ta'ab, qui est bien entendu la fatigue, jusqu'à la fatigue également. Voilà saqam. Voilà saqam. Donc, également la maladie de façon générale. Voilà hazan. Et également donc la tristesse. Hatta al-ham. Jusqu'à même les soucis. Yuhimmu. Jusqu'à même les soucis que la personne est là. Tout ce qui va atteindre cette personne, donc, dans son intérieur, les soucis qu'elle a. La tristesse, lorsqu'elle est atteinte de tristesse, et bien entendu la maladie, le tarb, et donc la maladie également qui va être, elle, continuelle. Tayyib. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, illa kaffarallahu bihi min sayyati. C'est-à-dire, de par cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il va donc effacer les péchés de la personne. Et ici le terme min sayyati, et c'est ici donc al-mustalah, al-ma'ruf. C'est donc ici le terme conventionnel employé dans la sunna du prophète sallam et qui revient donc dans la plupart des cas, comme on l'a vu avec le shirk, lorsqu'il nous a dit donc tanqasim ila sayyat, et qui est donc as-sarayr. Donc ici c'est les petits péchés. Donc ici c'est les petits péchés et non les grands péchés. De par ce terme qui est employé par le prophète sallam pour bien faire la différence, min sayyati. Donc tout cela, tout ce qu'on a cité ou tout ce qui était cité dans ce hadith, la personne de par cela, et comme on l'a dit, ça fait partie de la volonté de la personne, c'est-à-dire ça c'est les épreuves que la personne reçoit d'Allah Azzawajal. Taïb, ce qu'Allah Azzawajal lui prédestine. Donc comme maladie et autre épreuve, cela, ça va lui permettre d'effacer ses péchés. Naam. Taïb. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, et on continuera le cours la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, ou plutôt mardi prochain. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.